Troisième chapitre. Patron Ruff, en réalité, vit de sa pêche que Tardive, montée sur Arlatan, va deux ou trois fois par semaine vendre à la ville. Mais son orgueil est d'être corailleur. Ne devient pas corailleur qui veut. Le titre se transmet de père en fils et les membres de la corporation, une fois reçus, jurent le secret. Un triste métier, paraît-il, que celui de mousse apprenti. Patron Ruff passait par là, couché des journées entières au fond du bateau, pendant que l'équipage, avant de promener le filet drague dans les hauts fonds, s'orientait pour reconnaître les endroits propices sur quelques rochers remarqués, quelques enseignadou de la côte, et ne respirant guère que le soir. Quand la journée finie, le bateau amarré, il s'agissait de chercher de l'eau, de ramasser du bois et de faire la bouillabaisse. À 16 ans, Patron Ruff avait été initié. Et maintenant encore, dès que les mois d'été arrivent, le diable ne l'empêcherait pas d'aller rejoindre la flottille des confrères au Cap d'Antibes. Expédition mystérieuse où l'on s'embarque avec 3 jours de vivres, où l'on feint de partir pour Gênes, la Corse, la Sardaigne, bien qu'en somme, on ne perde guère la terre de vue. Juin approchant, Patron Ruff parle de partir, d'emmener cette fois Gantôme. Mais Tardive veut garder Gantôme, et c'est là leur seule querelle. En attendant, Patron Ruff m'a pris pour second. Tous les matins, nous filons au large jeter le gangui, ou bien tendre les palangrottes. Hier, la mer est devenue grosse, subitement. Un peu de mistral soufflait, et nous avons dû, au retour, tirer des bordées. Patron Ruff tenait la barre et ne parlait pas. Gantôme, courant pieds nus sur le plat-bord, était tout entier à sa voile et à ses cordages. Et tandis que les grandes lames, lentes et lourdes, sans écume, se déroulaient sous le soleil, pareil à du plomb fondu, je m'amusais, passager inutile, à regarder la côte aride, les collines échelonnées, montant et s'abaissant, les unes derrière les autres, selon que la bordée nous rapprochait de la rive ou bien nous ramenait au large. À la cime d'un pic, dans le soleil, une tache blanche brillait. Je demandais « Est-ce un village ?»« Le Puget, » répondit Patron Ruff, sans lâcher sa pipe. « Le Puget mort !» ajouta Gantôme. L'aspect du lieu, ce nom sarrasin, surexcitait ma curiosité savante. J'aurais voulu d'autres détails. Mais Patron Ruff, furieux d'un coup de barre donné à faux, s'obstinait dans sa taciturnité, et malgré mon impatience, je dus me résigner à attendre que la belle humeur lui revînt avec le beau temps. Aujourd'hui, le vent a augmenté. Au cagnard, entre deux buttes de sable tiède où le vif soleil des jours de mistral allume les paillettes du mica, nous causons, Patron Ruff et moi, tandis que là-bas, Tardive cuisine et que Gantôme court sur la plage ramassant, pour me les montrer, des coquilles, des os de sèche, des pierres ponces et les épis d'algues feutrées en boules brunes que rejette au milieu de flocons d'écume la colère de la mer. Dans nos conversations, c'est généralement de politique qu'il s'agit. Grave, rasé, l'air d'un latin, Patron Ruff, plus que jamais, maintient la République. Paris le préoccupe beaucoup. Il en admire les grands hommes, et n'ayant guère pour lecture qu'un vieux Plutarque dépareillé, il se le figure comme Rome ou Athènes. Il possède dans sa cabane un buste en plâtre de Marianne qu'il appelle sérieusement la déesse et qui fait pendant à une sainte Marthe domptant la tarasque que Tardive apporta d'Arles. Les jours de fête, Tardive partage ses fleurs entre sainte Marthe et Marianne. Parfois aussi elle se révolte. « Hé, t'es, qu'est-ce qu'elle peut nous donner de plus, ta République ? N'avons-nous pas une maison, un bon bateau, un bel enfant ? À quoi Patron Ruf répond : Tout le monde n'est pas comme nous. Il y a des pauvres dans les grandes villes. Les femmes ne comprennent pas ça. Mais la gloire de la République, c'est d'améliorer le sort des pauvres. Pour une fois, cependant, nous laissons la politique tranquille. Encore préoccupé de notre traversée d'hier, j'ai remis sur le tapis ce village du Puget-Mort, entrevu de loin et si étrangement perché. Drôle d'idée de vouloir vous perdre dans ce paradis des couleuvres. Le Puget n'est même plus un village. Il y a 100 ans, je ne dis pas, mais depuis, ce qu'il pouvait rester de bon là-haut, terre et habitants, est descendu en plaine. Le roc seul est resté avec une 20aine de familles qui font semblant de cultiver ce que la pluie a laissé dans les creux. Et quelle famille ! Des gens à figure de bohémiens qui ne se marient qu'entre eux par fierté, disent-ils, mais aussi par misère. Tout ce vilain monde n'aurait qu'à mourir de sa belle faim. Seulement, les femmes un peu sorcières vont à la ville tous les jours de marché vendre des fromageons et des plantes de montagne. Les hommes, eux, braconnent, malgré les gendarmes, et la poudre ne leur coûte pas cher. Patron Ruf ne se doute pas qu'en disant du mal du Puget-Mort, il ne fait qu'augmenter mon désir. Vous ne trouverez même plus de route. Il en existait une autrefois. L'orage l'a changée en ravine, et les gens de Puget se croient trop grands seigneurs pour faire métier de cantonnier. Mon obstination, pourtant, a fini par vaincre les résistances de Patron Ruf, qui, romain dans le sang, est, par instinct, ses races bédouines, et vieil homme de mer considère comme une aventureuse expédition cette marche de quelques heures en montagne. Patron Ruf s'est même rappelé fort à propos qu'il possédait là-haut un ami. Un ancien capitaine caboteur, brave homme, mais un peu fou, qui s'est mis en tête d'aller vivre au Puget-Mort avec sa fille. Ils habitent le château. Vous verrez ce château. Je ne le changerai pas pour le mien. Que Patron Ruf déverse à l'aise son mépris sur le Puget-Mort. L'important, c'est qu'aussitôt le beau temps revenu, il doit me conduire en barque jusqu'à la calanque d'Aigues Sèches où tombe le Riou qui passe au Puget. Je pourrai de là, paraît-il, en remontant le lit du torrent, gagner le village sans trop de peine. Les torrents, ici comme en Grèce, sont encore pendant l'été les plus praticables des chemins.